chez les chiens mal aimés. Je mène à fond les mènes à rien. J'avais pourtant un rêve dans le temps, un rêve de merde comme je l'entends. C'est lâche, ouais, si lâche. Lécher les chemins ensablés, je mène à fond les mènes à rien. C'est si bon de ne servir à rien, prendre son temps pour malmener. Lâcher la fille du curé, je mène à fond les mènes à rien. J'ai du persil plein les entrailles. J'ai mal à croire à toutes ces trouvailles. C'est lâche, ouais, si lâche. Lâcher mes basques reculées, je mène à fond les mènes à rien. C'est lâche, ouais, si lâche. J'en mets ma tête.